Chapitre 11e, la poursuite. Carmela, après le départ de José, était restée dans la tour aux mouettes, attendant le dénouement du drame qu'elle avait conçu. Les yeux fixés sur le château de Kerdal, cherchant à interroger les ténèbres et leur étendue, elle écoutait si quelque bruit n'arriverait pas jusqu'à elle. Une heure se passa, et à l'exception du cri plaintif des oiseaux de nuit dans les rochers ou dans les troncs d'arbres, rien ne troubla le silence environnant. Lorsque l'horloge du vieux manoir sonna 10 heures, le roulement d'une voiture lancée à toute vitesse se fit entendre. En même temps, sur la route sombre dont la tour dominait les circuits, deux étoiles de feu se montrèrent. C'étaient les lanternes de la chaise de poste du docteur Cabarrox qui emmenait le bâtard de Clodion. Comme la créole n'avait pas vu le cormoran depuis la veille, elle ignorait l'arrivée au château du célèbre médecin. Une voiture de voyage qui sort de chez le marquis à 7 heures, c'est singulier, se dit-elle. Les heures s'écoulèrent et Don José ne reparaissait pas. Alors l'anxiété la saisit et la fièvre brûla son sang. Un moment, elle eut la pensée de retourner à Pembroke, où elle avait laissé Hector, et de l'envoyer à la découverte. Mais elle craignit que José ne revînt à la tour pendant son absence et elle demeura. La nuit tout entière se passa pour elle au milieu d'alternatives d'espoir toujours suivies de déception. Elle eut un soupir de soulagement quand une ligne blanche se montra au levant, annonçant la venue du jour. Le soleil brillait depuis quelque temps, lorsqu'elle aperçut le vicomte qui gravissait la côte et se dirigeait vers la tour aux mouettes. L'ex-ténor, surpris de ne pas l'avoir vu rentrer, accourait pour savoir ce qui était arrivé. En même temps que lui, venait par le côté opposé le cormoran, qui ne se doutait nullement de l'impatience avec laquelle il était attendu. « Que se passe-t-il ce matin au château ?» lui dit Carmela, du plus loin qu'il put l'entendre. « Rien d'important que je sache, madame, » répondit-il, « si ce n'est que le marquis, après s'être levé, s'est rendu avec le duc auprès de la duchesse et qu'ils sont demeurés longtemps avec elle. » « Le duc, vous l'avez vu ?»« Non, madame. Je vous répète ce que m'ont dit les gens du château. »« Et les serviteurs, comment étaient-ils ?» Ils causaient et plaisantaient entre eux, comme d'habitude, en vaquant à leurs occupations. La créole était stupéfaite et ne savait que penser. « Mais une chaise de poste est partie hier au soir à 10 heures, » dit-elle, quand elle se fut remise de sa stupeur. « Qui était dedans, le savez-vous ?» Un médecin de Paris arrivé le matin pour voir la fille du duc qui depuis quelque temps est souffrante. « Ah ! » fit Carmela. « Et comment s'appelle ce médecin ?»« Le docteur Cabarrox. » « C'est lui qui est parti cette nuit, vous en êtes certain ?»« Les domestiques me l'ont dit, madame, et comme il ne se défie pas de moi, si c'eût été un autre que lui, je l'aurais su sans même le demander. » « Était-il seul quand il est parti ?» Pedro Diaz lui servait de cocher. « Pedro Diaz était cette nuit au château ?» s'écria Carmela. Selon son habitude, il est venu hier, et après l'avoir quitté sur le coup de 3 heures, il est revenu dans la soirée et l'avait même, m'a-t-on dit, l'air tout effaré. « Et vous ne nous parliez pas de cela ?» dit Hector, qui jusqu'à ce moment avait laissé la parole à la créole. « Monsieur le vicomte, » répliqua le cormoran, « madame m'a interrogé et j'ai dû répondre d'abord aux questions qu'elle m'adressait. « Est-ce tout ce que vous avez appris ?» demanda Carmela. « C'est tout, madame. »« C'est bien. » reprit madame de Sanlouco d'une voix saccadée. « Aujourd'hui même, je retourne à Paris, c'est là que vous m'enverrez vos rapports. Si le duc quitte le château, vous le suivrez partout où il ira, sans être aperçu de lui. Vous ne le perdrez pas une minute de vue, et s'il séjourne quelque part, vous m'en informerez sur le champ. « Il suffit, madame, » répondit le cormoran en s'inclinant. Carmela et Hector de Livran reprirent le chemin de Pembroke dans un état d'inquiétude et d'agitation facile à comprendre. « Que pensez-vous de tout cela ?» demanda le vicomte à la créole. « Tout et rien, » dit-elle. « José devait me revoir, c'était convenu, et je ne l'ai pas revu. Pourquoi ?»« En effet, c'est bien extraordinaire. » Et puis ce docteur, qui à peine arrivé, part au milieu de la nuit avec Pedro. Avec Pedro, qui revient pendant la soirée au château, après l'avoir quitté quelques heures auparavant. Le Texien, de retour dans l'île, se sera perçu de la fuite de José, et il est retourné au château pour donner l'alarme. Oui, oui. Et Don José, reconnu, aura manqué son coup. Mais alors, qu'est-il devenu? Qu'en a-t-on fait? L'avoir tué, on n'aurait pas osé. Et d'ailleurs, il ne se serait pas laissé tuer sans appeler à son aide. Il est si lâche. Je l'aurais entendu. « Mais pourquoi voulez-vous retourner à Paris ?» dit le vicomte. « Ne feriez-vous pas mieux de rester ici ? Qui sait ? José peut revenir d'un moment à l'autre. » puisqu'il n'est pas revenu, c'est qu'il ne reviendra pas, répondit Carmela. D'un autre côté, j'en ai la certitude, il n'est plus au château. Ce médecin et Pedro ont dû l'emmener avec eux, et je veux les rejoindre afin de savoir à quoi m'en tenir. S'ils l'ont emmené comme vous le supposez, que ferez-vous? Assurons-nous d'abord si mes soupçons sont fondés, reprit Madame de San Loco, puis j'aviserai. Une heure plus tard, Carmela et Hector de Livran quittaient Pembor et retournaient à Vannes. Là, ils louèrent une chaise de poste qui partit au galop des chevaux à la poursuite du docteur et de Pedro Diaz. À chaque relais, le vicomte s'informait si l'on n'avait pas vu une chaise conduite par un individu dont il donnait le signalement, mais il ne put obtenir aucun renseignement à cet égard. En effet, les braves gens qui l'interrogeaient dormaient profondément à l'heure où le docteur était passé. Cependant, au cinquième relais, ces questions eurent plus de succès. Il faisait grand jour lorsque Pedro avait changé de chevaux et un garçon d'écurie qui avait jeté un regard curieux dans l'intérieur de la voiture déclara qu'elle renfermait deux voyageurs dont l'un semblait endormi. Carmela regarda Hector de Livran d'un air de triomphe. Ses pressentiments ne l'avaient pas trompé. Le mystère commençait à s'éclaircir. Au relais suivant, les indications devinrent plus précises. La femme du maître de poste et sa servante non seulement avaient remarqué l'homme endormi, mais étonnés de la pâleur du dormeur, ils avaient questionné son compagnon de voyage. « C'est un malade qui est tombé en catalepsie, que je conduis à Paris pour l'y faire traiter », avait-il répondu. Le mystère était complètement éclairci. Dans la pensée de la créole et d'Hector, on avait dû donner un puissant narcotique à José afin de le transporter à Paris. Mais dans quel but? Qu'en voulait-on faire? Le premier soin de Carmela en arrivant à Paris avait été de charger le vicomte de s'informer de la demeure de Cavarox. Hector lui apprit le lendemain que le célèbre médecin spécialiste avait ouvert une maison de santé à Passy. « On veut faire passer José pour fou. Ou Jean a une rechute, et il a de nouveau perdu la raison, » dit-elle à l'ex-ténor. « Évidemment, c'est l'un ou l'autre, » répondit celui-ci. « Mais si c'était le duc Jean, que le docteur eût emmené avec lui, José aurait donc repris sa place au château en qualité de légitime époux de Fernande ?» reprit Madame de San Loco, « et il se serait moqué de moi ?»« Telle est la question, » comme dit le grand Shakespeare, cher ami. On comprend quel intérêt avait la créole à être renseignée sur ces deux points. Avec cette décision qu'elle a portée en toute chose, elle résolut de voir sur le champ le fou mystérieux. Mais comment parvenir jusqu'à lui? Car sans doute, il devait être bien gardé. Quelque fertile que fût l'imagination d'Hector de Livran, il eut beau se creuser la cervelle, il n'en sortit rien. « Savez-vous quelles sont les heures de visite du docteur à sa maison de santé ?» lui demanda Carmela. « Parfaitement, » répondit le vicomte. « Il s'y rend deux fois par jour, le matin de 8 à 10 heures et l'après-midi de 5 à 7. »« Bien, » reprit la créole en regardant la pendule. « Nous avons 5 heures pour agir et c'est plus de temps qu'il ne nous en faut. Avec mes chevaux, en moins d'une demi-heure, nous serons à Passy. »« Ah, vous voulez ?»« Oui, et vous m'accompagnerez. Vous me serez fort utile dans le rôle que je vous réserve. Peut-on connaître le programme ?»« Je vous l'expliquerai en chemin, » répondit Madame de San Loco après avoir sonné. Rose accourut. « Mon coupé est-il prêt ?» lui demanda sa maîtresse. « Oui, madame, il est attelé depuis plus d'un quart, » dit la camériste. Quelques instants après, l'aristocratique équipage prenait au grand trot la large avenue des Champs-Élysées. Pendant que Carmela et le vicomte courent sur la route de Passy, nous raconterons ce qui s'était passé la veille au retour du docteur dans sa maison de santé. Et tout d'abord, quelques mots sur cette maison sont indispensables. Elle se composait de deux parties complètement séparées. Dans l'une, située à droite au fond d'une grande cour, s'élevait un corps de bâtiment à 4 étages donnant sur un jardin réservé fermé par une grille. Dans l'autre, située au milieu d'un parc bien aéré, on voyait, placés de distance en distance, 10 petits pavillons ayant un air tout à fait champêtre. 6 de ces pavillons étaient affectés aux aliénés, dont la folie, sans être poussée à son paroxysme, avait cependant une certaine gravité. Les 4 autres servaient de demeure aux malheureux atteints de folie furieuse ou dont l'idée fixe était le meurtre ou l'incendie. Ces 4 pavillons avaient l'air coquets des 6 autres, mais leur apparence était trompeuse. Des paparons en fer forgé, cachés sous des plantes grimpantes, garnissaient les fenêtres et auraient défié les assauts d'une bande de tigres affamés. Chacun d'eux se composait d'une pièce spacieuse et dans le plafond, en forme de voûte, était assez élevé pour qu'on ne pût l'atteindre. L'ameublement simple mais confortable offrait cette particularité qu'on avait exclu tout objet en fer ou en acier. Cette pièce était précédée d'une sorte d'antichambre dans laquelle un gardien veillait jour et nuit. En outre, un guichet permettait au gardien de voir ce qui se passait dans la chambre de l'aliéné. C'était dans un de ces pavillons que Don José, toujours endormi, avait été transféré, et le docteur Cavarox, qui ignorait qu'il fût suivi, s'était borné à prescrire les mesures ordinaires de surveillance qu'on prenait à l'égard des autres malades. Le sommeil léthargique du bâtard devait, comme nous l'avons dit, se prolonger jusqu'au soir 10 heures, et Cavarox, longtemps avant l'instant annoncé, était dans le pavillon, ayant à sa portée un timbre pour appeler le gardien si son intervention devenait nécessaire. Lorsque la 48e heure depuis l'absorption du breuvage fut révolue, l'homme endormi commença de donner quelques signes d'agitation précurseurs d'un prochain réveil. La curiosité de l'illustre savant était vivement surexcitée. Il avait assisté, il est vrai, au retour du duc Jean à la raison, mais il n'avait pas été le témoin de ses sensations quand il s'était réveillé fou dans le camp des Indiens. Il se demandait si la folie de José allait se manifester, comme chez le duc, par la perte du sentiment du moi, remplacé par l'illusion d'une personnalité étrangère. Il lui tardait de savoir si la suppression de la raison se traduirait par un état de folie furieuse ou si cet état aurait un caractère inoffensif. Le moment décisif approchait. Déjà, à plusieurs reprises, José avait tressailli et changé de position comme un homme qui lutte contre le sommeil. Enfin, il poussa un profond soupir, se dressa peu à peu et lentement sur son lit, regarda autour de lui. Son regard inquiet fit le tour de la chambre, s'arrêtant sur chaque meuble, comme pour chercher à le reconnaître. « Où suis-je ? » murmura-t-il. Et en s'adressant cette question, aucun signe d'exaltation n'apparaissait sur son visage, et sa voix avait son expression habituelle. Le docteur, qui s'était dissimulé derrière les rideaux de la fenêtre, était stupéfait de ce calme. Un moment, il pensa que le fameux breuvage que lui avait remis son confrère des montagnes rocheuses avait perdu sa vertu par suite du voyage et du temps écoulé. « Où suis-je donc ? » répéta le bâtard avec insistance. « Vous êtes chez moi, » répondit Cavarox en se montrant. « Qui êtes-vous ? » demanda José en le regardant avec une certaine défiance. « Le docteur Cavarox, médecin aliéniste. » José parut réfléchir, chercher dans ses souvenirs, mais sa pensée rebelle ne trouva d'abord rien et il garda le silence. Ce silence durait depuis quelques instants, lorsque tout à coup, et après avoir pressé à plusieurs reprises son front à deux mains, comme pour en faire sortir une idée, il dit, d'une voix saccadée et fréquemment interrompue par de longues pauses, « Oui, oui, je me rappelle. Je suis Jean, Jean de Clodion. José, José le bâtard. Ah ! Le misérable, il m'a fait enlever comme fou. Mon nom, mon héritage. » Et puis, que m'a-t-il volé encore ? Quoi donc déjà ? Ah oui, ma fiancée ! Il s'arrêta, comme épuisé par l'effort qu'il avait fait pour prononcer ces paroles. La physionomie de Don José, jusqu'alors calme, prit une expression farouche. « Ah, cette femme ! » continua-t-il après un silence. « L'auteur de tout, son nom, j'oublie son nom. Comment donc s'appelle-t-elle ? Elle s'appelle... Carmela, oui, oui, c'est cela. Oh, je la tuerai. » Comme autrefois le duc Jean, il a perdu le sentiment de sa personnalité pour s'incarner dans celle de son frère, se dit le docteur Cavarox. Étrange effet que se produit par ce breuvage. José, dont la surexcitation nerveuse était arrivée à son paroxysme, s'élança brusquement hors de son lit et marchant, l'œil menaçant, vers le célèbre praticien. « Je veux sortir d'ici, » dit-il. Cavarox comprit que s'il irritait son malade par un refus formel, il courait risque de changer sa surexcitation en fureur, et il lui répondit doucement. « Vous voulez sortir, je ne m'y oppose pas. Je vais appeler votre valet de chambre, il vous aidera à vous habiller. » Il se dirigea vers la porte comme pour appeler le valet, l'ouvrit, sortit et ferma la porte à double tour. José, en entendant le grincement de la clé dans la serrure, bondit près de la porte et chercha à l'ébranler, mais en vain. Voyant son impuissance, il poussa des cris semblables à des rugissements et il se roula à terre en proie à un accès de folie furieuse. Le docteur, placé derrière le guichet, avait tout observé. Lorsque la crise de José toucha sa fin, il rentra suivi du gardien. « Mettez-lui la camisole de force, » dit-il. « Pendant ce temps, je vais aller préparer une boisson qui le calmera. » Le gardien obéit et le fou, vaincu par la violence de la crise, n'opposa aucune résistance. Il tendit lui-même les mains à la terrible camisole et se laissa recoucher comme un enfant. Seulement l'infirmier remarqua que le malheureux versait de grosses larmes. « Soyez raisonnable, monsieur, » lui dit-il, « et l'on vous retirera cette vilaine camisole, et vous serez libre dans votre chambre. » Cavarox reparut bientôt avec la potion calmante, il la présenta au bâtard, qui la vida d'un seul trait, puis retomba dans la torpeur et s'endormit. « Pauvre diable !» murmura le gardien, en jetant un regard compatissant sur José, si jeune, et avoir perdu la raison. Ensuite il ajouta, « Mais en quoi consiste donc sa folie, monsieur le docteur ? Il se croit un personnage autre que celui qu'il est réellement, et il se prétend victime d'un complot de famille, » répondit Cavarox. Lorsque le coupé de Carmela fut arrivé à la barrière de l'étoile, il tourna à gauche dans la direction de la Seine, et un quart d'heure après, il s'arrêtait devant la maison de santé du docteur Cavarox. La grille s'ouvrit pour laisser entrer l'élégant équipage, et l'ex-brigadier de dragons qui servait de concierge se présenta à la portière, son bonnet de police à la main. Le docteur Cavarox, le directeur de Livran, à qui la créole avait fait la leçon pendant le trajet. « Monsieur le docteur est parti il y a une heure, monsieur, » répondit l'ancien troupier. « Quand rentrera-t-il ? » reprit le vicomte. « Il viendra à 5 heures faire sa seconde visite. » Madame de Sanlouco, qui se tenait dans le fond du coupé, le visage couvert d'un voile, laissa échapper les soupirs qui ressemblaient à des sanglots étouffés. « Un peu de raison, ma sœur, » lui dit l'ex-ténor, en essayant de la calmer. « Nous pouvons toujours nous renseigner sur ce que vous désirez savoir. » Puis se tournant vers le serveur de l'établissement, il lui demanda s'il n'y avait pas un employé avec lequel on put traiter des conditions d'admission d'un aliéné. « Il y a l'économe qui vous donnera tous les renseignements nécessaires, » répliqua l'ex-brigadier. « Si vous le voulez, je vais vous conduire auprès de lui. » Carmela fit un signe affirmatif, se leva et descendit de voiture. Le concierge mena aussitôt les visiteurs à l'économa, qui donnait tout à la fois sur le parc et sur le jardin réservé. L'économe, un jeune homme de 28 à 30 ans, à la physionomie douce et honnête, quitta son fauteuil en voyant entrer la créole et le vicomte, offrit des sièges et l'attendit debout pour répondre aux questions qu'on allait lui adresser. L'ancien troupier était sorti immédiatement pour regagner sa loge. « Voici ce qui nous amène, mon frère et moi, monsieur, » dit Madame de Sanlouco, en levant son voile, qui, tout en montrant la plus charmante figure du monde, permit au jeune employé de voir la trace récente de larmes dans ses beaux yeux rouges encore. « Nous sommes étrangers, et arrivés ici depuis hier soir à Paris avec mon mari, qui a été pris subitement de folie ce matin. » « La réputation du docteur Cavarox est faite, madame, » répondit l'économe, « et quelle que soit la gravité de l'état de monsieur votre mari, oh, le nom du docteur est célèbre, et sa science dépasse encore sa célébrité, je le sais, » interrompit la créole. « Mais on m'a fait un tableau si effrayant des cellules dans lesquelles sont enfermées. » Elle n'acheva pas, l'émotion sembla lui couper la parole. « Mais c'est une erreur, madame, » reprit vivement le jeune homme. « Indépendamment des soins dont nos malades sont entourés, rien ne leur manque, et quel que puisse être le degré de la maladie, ils trouvent dans cet établissement tout le confortable nécessaire. Ainsi, nous avons des appartements complets avec domestiques pour ceux dont l'affection a un caractère inoffensif. De plus, ils ont toute liberté de se promener dans un jardin réservé que vous pouvez apercevoir de cette fenêtre. » Carmela et Hector s'approchèrent et regardèrent attentivement. « Sont-ce là vos seuls malades atteints de folie calme ? » demanda Hector. « Sauf 2 ou 3 qui causent au réfectoire. Oui, monsieur, » répondit l'économe. « Les autres sont partis la semaine dernière complètement guéris. » Carmela, avec sa promptitude de jugement, avait compris que l'homme emmené nuitamment du château de Kerdal avait dû être enfermé dans l'un des pavillons garnis de barreaux de fer. « Hélas !» fit-elle avec un sentiment de profonde douleur. « Tel n'est pas l'état de mon pauvre mari. Il a été frappé de folie furieuse, et ses accès sont terribles. Dans ce cas, madame, il faudrait, si vous ne voulez pas vous exposer vous-même au plus grand danger, le faire transférer sur le champ dans un pavillon spécial. Ces pavillons, où sont-ils ? Dans le parc, qui se trouve derrière la cour où vous êtes descendue, madame. Pourrait-on les voir ? C'est très facile, nous en avons un inoccupé. il conduisit Carmela et Hector dans le parc. Comme ils passaient devant un pavillon, la créole s'arrêta pour en examiner l'intérieur. « Oh, pas ici, madame, » dit le jeune employé. « Celui-ci est occupé par un fou furieux qui nous a été amené avant-hier. » Madame de Solnoco et le vicomte échangèrent un rapide coup d'œil qui signifiait « Il est là ». « Raison de plus, » répondit la créole. « Je jugerai par moi-même si les symptômes qu'éprouve ce malheureux ressemblent à ceux de mon mari. » « Mais vous ne pourrez l'entrevoir qu'à travers un guichet, madame. »« Cela me suffira pour savoir à quoi m'en tenir. » Sans défiance aucune, l'économe ouvrit la porte du pavillon et les deux visiteurs entrèrent dans la pièce qui servait d'antichambre. « Le gardien est auprès de lui, » dit-il, « mais approchez-vous du guichet et vous n'aurez qu'à vous baisser un peu pour voir. » Carmela se baissa et le spectacle qui frappa ses regards était horrible. Un homme, dont les vêtements étaient en lambeaux, se tordait en poussant des cris inarticulés. Sa chemise déchirée laissait voir sa poitrine qu'il labourait avec ses ongles, malgré les efforts que faisait l'infirmier pour lui mettre la camisole de force. Du premier coup d'œil, Madame de Sanlouco avait reconnu le fou à la cicatrice qu'il portait près du sein gauche. Sachant ce qu'elle voulait savoir, elle se leva en simulant l'effroi. « C'est affreux, » dit-elle au vicomte, « retirons-nous, mon frère. » Puis se tournant vers l'économe, elle lui annonça qu'elle conduirait le soir même son mari dans la maison de santé du docteur Cavarox. « Eh bien ?» lui demanda Hector de Livran, quand il fut remonté dans le coupé. « L'homme fou, c'est José, » répondit-elle. « Au moment de tuer son frère, son bras aura tremblé et il aura sans doute été frappé subitement de folie. » En effet, c'est la seule manière d'expliquer sa présence dans la maison de santé du docteur, reprit le vicomte. « Et maintenant que José est fou, » repartit Carmela, « je n'ai plus de ménagement à voir pour la duchesse. Rien ne doit plus m'arrêter, et c'est corps à corps que nous allons lutter toutes les deux. J'aurai sa fortune pour son enfant. »